sommes-nous tous des caliméros? Il y a un personnage dans la culture populaire, dans la bande dessinée et dans les dessins animés qui a marqué des générations d'enfants devenus des adultes et qui est devenu comme un nom commun. C'est ce personnage qui ressemble à un être humain, mais qui est en réalité un petit oiseau, un poussin anthropomorphe à forme humaine, disent même les sites sur lesquels on peut chercher son nom, et qui a pour nom Calimero. Calimero, c'est le nom d'une plainte, c'est le nom de la personne humaine, du sujet vivant aussi, du sujet que nous sommes tous en tant que nous nous plaignons qu'on ne fasse pas attention à nous, qu'on nous oublie. C'est cette plainte peut-être qui désigne aujourd'hui l'individu moderne. Écoutons-la plutôt, car elle a quelque chose d'inimitable. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. C'est vraiment trop injuste. On nous oublie, on ne tient pas compte de nous. La société serait-elle minée par cette plainte si surprenante et aurait-elle quelque chose d'absurde, le caprice d'un enfant gâté face à la violence du monde? La thèse, en réalité, qu'il faudrait peut-être soutenir face à cette image de Calimero qui se grave en nous, c'est aussi l'image d'une certaine légitimité de ce petit moi caché au fond de nous, de cet enfant dans l'adulte, comme dit le psychanalyste Sandor Ferenczi, qui toujours a besoin de l'attention d'autrui pour exister. Alors bien sûr, Calimero, c'est aussi un risque, une pathologie, quelque chose qu'il faut éviter de reproduire. Il doit bien y avoir un moyen pour que nous échappions à cette plainte permanente, pour que nous ne disions plus, en zézayant un petit peu, que c'est vraiment trop injuste avec ces aventures de mal-aimés qu'on retrouverait aussi du côté des Peanuts de Charlie Brown, de Schultz aux États-Unis, Charlie Brown et Linus à qui on vole tout le temps son doudou et qui est aussi en train de dire en réalité c'est trop injuste. C'est peut-être finalement l'enfance démocratique, l'enfance de celui dont il faut prendre soin, qui s'incarne aussi dans Calimero et dans Charlie Brown, ces petits-enfants qui vont donner des adultes peut-être équilibrés parce qu'ils ont admis leur faiblesse et à condition que quelqu'un soit venu à leur secours, au secours de ce sentiment d'injustice. Mais il y a aussi, dans notre monde contemporain, un autre vertige, une autre plainte du moi qui a une résonance beaucoup plus politique et un peu plus dure et qui même anticipe sur notre époque de façon surprenante. Écoutons-la aussi. 700 millions de Chinois, et moi. 700 millions de Chinois dans la chanson de Dutronc des années 60, c'est peu. Aujourd'hui, il y a non seulement plus d'un milliard et demi de Chinois, mais la population sur la planète est passée de 1,5 milliard au début du XXe siècle à 7 à 8 milliards aujourd'hui et est en croissance exponentielle et menace la survie même de l'humanité sur la planète. Les sujets individuels, alors, ont une sorte de vertige. Et la découverte de Dutronc, contemporaine d'un livre célèbre en France à l'époque, Quand la Chine s'éveillera, c'est la découverte d'un sujet individuel occidental qui s'est cru tout puissant et qui se découvre minoritaire sur la planète. Est-ce qu'il faut pour autant la tourner en dérision? Est-ce que cette individualité, cette subjectivité de chacun, et d'ailleurs aussi évidemment des 700 millions de Chinois et de Chinoises, eux-mêmes et elles-mêmes, est-ce qu'il ne faut pas prendre soin de chaque subjectivité, ne pas considérer a priori que cette plainte est une maladie, est une pathologie, est un défaut, mais au contraire constituer des subjectivités avec ces expressions d'elles-mêmes qui résultent effectivement d'un vertige devant les dangers du monde aujourd'hui. À chaque grande crise planétaire, on tente à oublier le soin de soi-même, le soin des subjectivités que ces personnages nous rappellent. Ne les prenons pas trop à la légère. Ils relèvent de la création artistique et d'une sorte de vérité de nous-mêmes. Il faut, comme disait Winnicott, aussi le psychanalyste qui a inventé l'idée même du doudou, l'idée de l'objet transitionnel, il faut passer par l'expression de cette plainte pour accéder à un monde commun et pour la dépasser. Ne prenons pas à la légère les plaintes des petits-enfants dans la culture populaire ou dans les chansons qui expriment l'état du monde, à condition de ne pas nous y arrêter et d'en faire l'accès à nous-mêmes.